Je vais tout niquer comme débarrasser la tête de WAM, on va s'en débarrasser. Comme un odo, on ne fait que passer. Tu dans mes pieds si tu veux m'embrasser. Tu sors de gêne, va les fêter la CFA, tout flinguer, c'est la fédération. 10 000 euros, non, c'est pas assez. Un noir qui saigne, c'est le million assez. Allez, viens qu'on parle, qu'on s'arrange. Viens qu'on parle, qu'on s'arrange. Si t'es venu bon, mais on va te désamorcer. J'suis avec Tchekos, Bramza, Bousbous, Pélo. Tchekos, Bramza, Bousbous, Pélo. Les MC Bezo F1. Kélo. Manque de respect, on te fait ralasser. En pyramide, ils aiment trop caillasser. Ma cabeza, c'est une calculée. Toute la journée, je fais des opérations. T'es mal équipe, on va te tabasser. Et les pompiers, ils vont te ramasser. J'ai pas le mytho, on va pas te calacher. Mais ce qui est sûr, on ne va pas te lâcher. Numéro 1, t'es numéro 13. Tu portes la force comme si tu prends des lacets. H24 dans les quartiers. Fais pas les 6 gros au palacio. Le corps est dur, on ne peut pas plier. Manque la flûte des peupliers. Ta chevrotine couche un sanglier. Le sable est plein dans les sabliers. Le corps est dur, on ne peut pas plier. Manque la flûte des peupliers. Ta chevrotine couche un sanglier. Le sable est plein dans les sabliers. Allez, viens qu'on parle, qu'on s'arrange. Viens qu'on parle, qu'on s'arrange. Si t'es venu bon, mais on va te désamorcer. Mais la dispo, c'est plus pour l'autre de la paix. Sur ces bolos, je tire un trait. Si tu vois que c'est calme, c'est que je suis rentré. Dans le game, je suis rentré. Dans le rap, je suis rentré. Dans le beat, je suis rentré. Si tu vois que c'est calme, c'est que je suis rentré. Mais la dispo, c'est plus pour l'autre de la paix. Sur ces bolos, je tire un trait. Si tu vois que c'est calme, c'est que je suis rentré. Dans le game, je suis rentré. Dans le rap, je suis rentré. Dans le beat, je suis rentré. Si tu vois que c'est calme, c'est que je suis rentré.